Ah, tu te démerdes, oui, oui, on l'entend. Eh, il reste trois questions. Par les canalisations, il habite à côté. Oh non, mais je m'en fous, moi. Ah, il reste trois questions, faut me le zapper, hein. Ah, puis faut faire vite, parce qu'il est... Ça se passe bien, hein. Putain, ça cartonne, hein. Là, il reste trois questions, alors.